بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم سنخوض المسألة الثالثة وستين وستون مسألة. يقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. Donc, dans le sens où Allah Azza wa Jal dit que le jour où Allah rassemblera les messagers et leur dira: qu'est-ce qui vous a été répondu? Ils diront: nous n'avons aucune science, et tu es certes le grand savant de l'invisible. Al-Ma'ida, verset 109. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Donc ce verset nous laisse comprendre que les messagers, يوم القيامة, ne témoigneront pas sur leur communauté. Et d'autres versets sont venus qui s'opposent à cela, qui disent justement, qui affirment que ces messagers témoigneront sur leur communauté. Comme la parole d'Allah dans le sens où il dit: et comment le jour où nous viendrons avec toute communauté pour témoigner et nous viendrons avec toi sur cela comme témoin, c'est-à-dire toi Mohammed, sur cela comme témoin. Wa qawli ta'ala wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida 'alayhim min anfusihim wa jinna bika shahidan 'ala ha'ula'i. Et le jour où nous ramènerons toutes les communautés, nous ramènerons un témoin de chaque communauté sur eux. C'est-à-dire, chaque communauté, les gens, il y aura un témoin sur eux, c'est-à-dire leur messager, qui viendra d'eux-mêmes. D'accord ? Un témoin de cette communauté qui viendra, un témoin de cette communauté qui viendra témoigner sur eux, qui est le messager de cette communauté. Et nous viendrons avec toi comme témoin sur eux, c'est-à-dire sur toutes les communautés. Alors, l'autre verset tout à l'heure, c'était Nisa, verset 41. Celui-ci, c'est Nahl. Les abeilles, verset 89. Donc là, on a un verset qui dit que les messagers diront on ne sait pas, et un verset qui dit que les messagers témoigneront sur leur communauté. قال الجواب من ثلاثة أوجه. Trois façons de répondre à cela. الأول وهو اختيار ابن جرير قال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن. Donc le premier, c'est le choix d'Ibn Jarir cité par Ibn Kathir, et c'est un bon choix. أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر لا علم لنا بالبواطن وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر فعلمنا بالنسبة لعلمك كلا علم. Donc le sens de que ces messagers diront nous n'avons pas de science, c'est-à-dire nous n'avons aucune science par rapport à ce que toi tu sais. Notre science est inexistante comparée à la tienne qui entoure toute chose. Et bien que nous ayons su qui est-ce qui nous a répondu, nous ne connaissons que l'apparent. Nous ne connaissons pas l'intérieur de ces gens-là. Et toi, tu es celui qui connaît tous les secrets et qui connaît tout ce qui est à l'intérieur des gens. Donc notre science par rapport à la tienne est comme inexistante. Hadha jawab. Première réponse. الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقل عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا العلم لنا لما اختراهم من شدة هول يوم القيامة ثم زال ذلك عنهم فشاهدوا على أممهم. Donc notre réponse citée par Mujahid et Al-Hassan al-Basri rahimahumullah, que Ibn Kathir a apporté d'eux, qu'en fait ils disent tellement ce jour sera dur et terrifiant qui ils n'auront plus de savoir, ils n'auront plus rien. Et lorsque cette terreur s'estompera, finira par s'estomper, là ils pourront répondre et témoigner sur leur communauté. Donc c'est un moment, et non pas à chaque moment, qu'ils diront, la ilm al-ana, ce sera un moment où ils seront vraiment pris de terreur face à Allah Azza wa Jal. Wa thalith, wa wa ad'afuha, troisième réponse qui est la plus faible, anna ma'na qawlihi ma'za ujibtum, ma'za amilu ba'dakum, wa ma'ahdathu ba'dakum, qawlu la ilm al-ana. ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. Donc troisième sens, ce serait qu'est-ce qui vous a été répondu, c'est-à-dire après vous, qu'est-ce qui s'est passé après vous, après votre venue. Et ils diront, nous n'avons aucune science de cela. Ibn Kathir a cité ce call également, autre que lui, Et il n'échappe à personne que ce qaul, vraiment, est loin de l'apparent du verset. Il ne correspond pas à l'apparent du verset. Donc pour l'auteur, le premier qaul, c'est le premier. C'est-à-dire que leur savoir par rapport à leur communauté est inexistant comparé au savoir d'Allah Azzawajal et qu'eux qui ne connaissent que l'apparent et non l'intérieur. Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.